ne cherche pas plus loin. Surtout, ne pense à rien. Aime-moi. N'attends pas qu'un autre vienne un soir dans ma vie par hasard, malgré moi. N'oublie pas que j'attends vainement un geste, un sentiment qui ne vient pas. Aime-moi avant qu'un imbécile à tout jamais t'exile. Loin de moi, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Aime-moi sans poser de questions, sans tergiversation. Aime-moi. Comprends-moi, c'est toi que j'ai choisi. Je suis à ta merci, avec joie. Ne crains pas de souffrir un bon jour, quand nos jours sont si courts, ici-bas. Aime-moi avant qu'un autre vienne et que tu me deviennes indifférent. Loin de moi, aime-moi, aime-moi. Et je m'en vais, clopin, clopin, dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle, y a des souvenirs qui s'amoncellent. Et je m'en vais, clopin, clopin. Yeah.

pas que tu le sais. Jamais je ne t'en ai fait l'aveu. Mais je sais que tu sais tout. Tu sais lire dans mes yeux, mon cœur est pour toi sans mystère. N'est-ce pas que c'est bien vrai? Tu suis tous mes rêves pas à pas. Tu lis en moi beaucoup mieux qu'en toi-même, car tu m'aimes et tu ne le sais. Quand je suis près de toi, jamais je ne m'ennuie, mais toi quand je suis là, tu n'es pas triste. Hier soir, je t'ai quitté très optimiste. Et j'ai rêvé de toi toute la nuit. En rêve, tu m'as dit ce que tes lèvres closes avaient inconsciemment dans l'ombre refoulé. Mais tu sais comment Freud interprète les choses. Le rêve était de moi, mais ton cœur m'a parlé. Je sais que tu sais. Tu sais tout quand même, car tu sais lire dans mes yeux. Mon cœur est pour toi sans mystère. N'est-ce pas que c'est bien? Tous mes rêves, pas à pas, tu lis en moi beaucoup mieux qu'en toi-même, car tu m'aimes et tu ne le sais. Je n'irai pas faire ces voyages dont j'avais tant et plus rêvé. Je n'irai pas faire ces voyages, je n'ai plus envie de m'en aller. Partir, ça n'en valait la peine que si tu venais avec moi. Partir, ça n'en vaut plus la peine, puisqu'il faudrait partir sans toi. Que m'importe de l'or, la muraille de Chine, si je dois être seul pour en faire le tour. Que m'importe Java, les îles Philippines, Sumatra, Bornéo, Ceylan ou Singapour, que m'importe Kyushu, l'île Sakhaline, si tu n'es près de moi, près de moi, mon amour. Je n'irai pas faire ces voyages dont j'avais tant et trop parlé. Je n'irai pas faire ces voyages, je n'ai plus envie de m'en aller. Partir, ça n'avait d'importance que si tu venais avec moi. Sans toi, ça n'a plus d'importance, alors tant pis, je reste là. Que m'importe dès lors la muraille de Chine, si je dois être seul pour en faire le tour. Que m'importe Java, les îles Philippines, Sumatra, Bornéo, Ceylan ou Singapour. Que m'importe Kyushu, l'île Sakhaline, si tu n'es près de moi, près de moi, mon amour. Adieu, joli rêve. rendez-le heureux, ce prince qui vous aime pour. Je veux une grande parade, un défilé de chars, des serpentins, des fleurs, du bruit, une fanfare. Je veux une mascarade, un verre et un cigare, nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières, de toi et moi avant l'hiver. Je veux une grande parade, une retraite au flambeau, des majorettes, une fontaine, je veux un drapeau, une petite mascarade, un carnaval à Bornéo, nous deux, un tango à trois temps. Je veux encore une fois seulement un tour de manège, des feux de joie avant qu'il neige, des phares, des lumières, de toi et moi avant l'hiver. Depuis je me promène sur mon nuage à moi, là où le vent me mène. J'ai entendu tant de sirènes chanter ici et là, que j'ai eu de la peine à filer toujours droit, que j'ai eu de la peine croisent un jour leur chance. La terre n'est pas si ronde. Tous les vagabonds, vagabondes abondent dans mon sens. Sur la même longueur d'onde, je me suis mis en quarantaine déjà au moins deux fois. Loin des soirées mondaines qui filent à la pédale pour jouer les mêmes miels. Les chansons les plus beaux et miels obéissent à ma voix quand je caresse les belles de mon vieux piano droit qui veut quitter la scène. Les vagabonds, vagabondes et croisent un jour leur chance. La terre n'est pas si ronde. Tous les vagabonds, vagabondes abondent dans mon sens. Sur la même longueur d'onde, je suis né sous un ciel de traîne, le jour pointait pour moi, et l'été qu'elle avait m'a appris ce jour-là à filer à l'indienne.